Salut tout le monde et bienvenue sur la POC, édition du 12 février 2018, édition qui sera consacrée au sénateur d'Ottawa. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, il est de plus en plus régulier. Merci au Allbrand. Avec nous, Sylvain Rioux. Bon, on commence avec une joke de caca en partant. Salut tout le monde. Et notre invité, celui qui est le fan du club de la semaine, avec nous, Christopher Pellerin. Salut Chris. Salut JB. De ton lointain Edmonton, tu fais quoi là-bas? Tu travailles? Oui, comme concierge d'une école du conseil scolaire. Le conseil scolaire, c'est un peu comme la commission scolaire du d'Alberta, là, côté francophone. Ça fait à peu près 5 ans que je fais ça, 5-6 ans. Je pensais pas me rendre autant là, mais avec du monde avec qui je travaille puis tout, j'ai du plaisir énormément avec mon monde. Fait que les payes sont bonnes, fait que deux bonnes raisons. Good. Donc, cette semaine, on va parler des sénateurs d'Ottawa, puis d'entrée de jeu, un peu comme je le fais avec tous les invités qui viennent sur le show pour les émissions spéciales consacrées à d'autres clubs que le Canadien de Montréal. La première question, Chris, c'est de te demander, ça vient de où ton amour pour les sénateurs d'Ottawa? Je savais qu'il allait me demander cette question-là, mais on va te répondre avec plaisir. Moi, ça a commencé fin des années 90, début 2000, des années j'ai commencé à suivre le hockey. Ça commençait avec les matchs de hockey à RDS. Je tombais souvent sur les matchs des sénateurs. Souvent, puis moi, j'accordais ça, puis j'aimais bien l'équipe. Je les haïssais pas tant. Mais là, Daniel Alfredson qui était là, ça commençait j'ai commencé à aimer ça vers la fin que Yashin était là-bas. J'aimais bien Alexis Yashin. Mais ça a vraiment commencé là. Je trouvais que la structure de jeu était parfaite. Puis c'était vraiment le début de la grosse équipe qu'Ottawa ont eu dans le passé. Ça a commencé de même, puis ça, comme depuis ce temps-là, ben, c'était un mariage parfait. Là. OK. OK. Ben, parce que moi, tu me parles de Yashin, puis mariage parfait dans la même phrase. Il me semble que ça n'a pas toujours été parfait avec les sénateurs, mais je vais arrêter toi-là. Tu sais ce que je veux dire, là. OK. Ton amour pour les sénateurs, ton joueur préféré actuel et du passé du club? Du passé, on va commencer avec le passé, mais ça a toujours été Daniel Alfredson, puis pour moi, c'était vraiment un modèle. Le leadership de ce gars-là, c'était quand même assez incroyable. Moi, j'aimais bien de la façon qu'il jouait, de la manière que l'équipe était bien soudée sous son leadership. Là. Moi, ça me fascinait, puis des bonnes choses, ce joueur-là, là, moi, il m'a vraiment fait capoter. Puis le joueur actuel à Ottawa, ben c'est Eric Carson. Ça a commencé vraiment, plus les années avançaient, plus tu le sens progresser. Tu le vois vraiment qu'il joue, qui a progressé d'année en année, qui a vraiment joué, qui est vraiment devenu le Eric Carson qu'il était. Outre ses erreurs et tout, les centaures étaient bien patients. C'est le joueur qu'il s'est devenu aujourd'hui. Carson, c'est vraiment c'est l'avenir à Ottawa. Soit qu'on le perdra pas éventuellement. Oui, penses-tu, parce que là, il y a beaucoup de rumeurs avec les sénateurs sur le possible départ d'Eric Carson, parce que ben, il y a un contrat pour l'année prochaine, puis après ça, il tombe UFA. C'est inquiétant, mais penses-tu qu'il va rester? Ah, c'est sûr, regarde, c'est des dossiers comme ça, comme Steven Stamkos, tu t'en souviens de Lightning, il y a 2 ans, on savait pas s'il allait rester avec le Lightning ou il allait partir ailleurs. Moi, je pense que Eric Carson, c'est un peu le même dossier, même genre de dossier, genre un gros nom comme ça. Tu peux aller chercher vraiment un bon salaire sur son prochain contrat. Moi, je dis que ça pourrait se faire pendant l'année prochaine ou même un petit peu avant le 1er juillet, comme c'est arrivé avec Stamkos. C'est des dossiers vraiment qui se ressemblent, mais somme toute, là, ils finissent tous par signer avec leur club initial. Là. Ouais, ils finissent pas toutes, là, mais les vedettes jusqu'à maintenant, ouais, ça. Mais là, il y a des gros dossiers. T'as Ekman-Larsen qui va s'en venir UFA. T'as Doughty aussi avec les Kings. Et t'as John Tavares qui est dans les très, très gros noms qui vont devoir re-signer des nouveaux contrats avec Carson. On y reviendra là, parce qu'il y a quand même, des parallèles intéressants avec, avec ces joueurs-là par rapport à Carson. Je vais juste placer là, la situation de la formation des Sénateurs. Actuellement, les Sénateurs, après 54 matchs, ont 47 points au compteur, ce qui les met avant-dernier dans l'Est seulement. Ils dépassent seulement la formation des Sabres de Buffalo. Les deux clubs vont s'affronter ce jeudi à Ottawa. Un match à lequel je serai pour assister parce que, comme je disais, sur la réalité augmentée, deux négatifs, ça donne un positif. Ça devrait être un bon match pareil. Donc, je vais être là. Un gros match de loser. Donc, en ce 12 février, les Sénateurs, on s'entend. Il n'y aura pas de série cette année. Le club est à toute fin pratique éliminé, comme le Canadien de Montréal aussi, avec seulement 4 points de moins que la formation montréalaise. Et donc, globalement, ça ressemble beaucoup à ce que le Canadien vit comme saison. Par contre, et là, je vais avoir besoin de votre avis à vous deux, les boys, l'an passé, les Sénateurs ont passé à un tout petit but de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Guy Boucher, c'est une belle histoire. Sa première saison à la barre de l'équipe, tout allait bien, pour lui, du moins. Il y a eu Anderson, le cancer de sa femme. Il est revenu pour les séries. Il y a eu plusieurs joueurs blessés. Tu as eu des MacArthur qui ont eu des commotions cérébrales. La saison passée était extrêmement chargée en émotions. Ça a fait que ce groupe-là est allé peut-être plus loin qu'il était supposé. Et cette année, c'est tout l'inverse. Je veux savoir pour vous autres, les boys, d'après vous, c'est quoi qui explique ce revirement-là complet, là, un 180 degrés de la situation des Sénateurs entre l'an passé et cette année? Je peux-tu me lancer? Vas-y, ouais. Vu que tu n'as pas parlé jusqu'à maintenant. Moi, j'en ai une piste de solution. Là. Moi, là, je blâme une grosse partie des déboires des Sénateurs de cette saison sur Dion Phaneuf qui n'a pas levé sa clause de non-échange. Le tabarnak. Ouais. Parce que Carlson a perdu son défenseur avec qui il était à l'aise. Tu sais, quand Méthode était là, c'était comme, vas-y Eric, je m'arrange avec ça en arrière s'il y a quoi que ce soit. Tu sais, Carlson pouvait prendre des chances puis devenir ce que j'ai toujours dit qu'Eric Carlson était, le quatrième attaquant de son équipe. Tu sais. Fait que, avec le fait que Phaneuf a pas levé sa clause de non-échange et qu'il commande un salaire ridicule en plus, ça te bloque, ça t'a fait mal et ça va continuer à te faire mal parce que non seulement il y a un salaire ridicule, mais si jamais tu trouves quelqu'un d'assez cave pour aller chercher Dion Phaneuf, il va falloir que M. Phaneuf dise oui. Oui, non, ça vient barrer la formation des Sénateurs. Juste pour remettre en contexte, on parle de lever sa clause de non-échange. C'était pas pour une transaction, c'était pour accepter d'être disponible pour le repêchage par la formation des Knights de Vegas. Ça veut pas dire que c'est lui qui serait parti. Par contre, ça aurait permis à la formation des Sénateurs de protéger Mark Method. Et là, ben, ils pouvaient pas le protéger. Ils l'ont perdu. Parce que selon moi, les Knights de Vegas n'auraient pas choisi Dion Phaneuf anyways. Non, c'est ça. Et sachant ça, moi, l'an passé, on avait parlé sur la POC. Sachant ça, là, le propriétaire, le DG, t'as un meeting avec Phaneuf, tu dis, regarde, 99% sûr, ils te ramasseront pas. Pour permettre à l'équipe de garder aussi méthode, lève ta clause. C'est pas pour une transaction, c'est pour le repêchage d'expansion, mais ça arrivera pas et ça va permettre au club d'être plus safe pour l'avenir. Puis au pire, là, Vegas, là, c'est pas de la merde, là. C'est pas une mauvaise ville et sa femme est comédienne. Fait que moi, je comprends même pas. Il aurait dû courir pour aller à Vegas. Puis Vegas puis Los Angeles, tu sais, c'est comme vraiment pas loin. Là. Non, c'est ça. Fait que, à moins qu'il aime pas tant sa femme, puis qu'il est heureux de la voir moins souvent, c'est peut-être ça, là. Je sais pas. Mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Est-ce que son objectif, c'était de faire chier sa formation et de nuire à son DG? Peut-être. Est-ce que dans la chambre, en ce moment, ça fonctionne bien avec ses coéquipiers? Parce que en raison de cette décision-là, il a scellé l'avenir d'un autre de ses coéquipiers. Au lieu de laisser le... enlevant sa clause, il y avait possibilité que ça soit un autre gars. S'il n'y avait pas, c'était sûr que c'était lui qui était pour être ramassé. Fait que dans l'incertitude, c'est pas tout le monde qui était pour penser que c'était de sa faute. T'sais. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Il attendait le risque sur tout le monde au lieu de le mettre bullseye sur méthode. Puis il l'a pas fait. Fait aujourd'hui, là, la situation pour les Sénateurs, c'est vrai qu'il y a une grosse. Il y a un gros impact qui vient de cette décision-là. Hey, parce qu'Eric Carlson, là, puis Chris va être capable de le dire parce que lui, il a regardé beaucoup plus de matchs des Sénateurs que j'en ai regardé. Mais les 30 premières games, Eric Carlson, on le reconnaissait plus, là. Ben, la première game qu'il a joué, qui est revenu de sa blessure, trois passes en partant, mais tu sais, Carlson, sa blessure à la cheville, ça l'a comme pas été non plus. Puis, tu sais, comme moi, depuis le début que je le dis, c'est exactement ce que je pense moi aussi. Là, depuis le début, là, moi, je te dis, là, méthode, c'est le gros morceau que Ottawa, il fallait pas qu'il tente. Ça a fait un méchant trou en défensive. T'sais, on a dit, au pire, tant qu'à ça, tu perds méthode. Mais tu sais, Faneuf, il a joué quand même pas si pire l'année passée. C'est quand même correct. Fait qu'on dit, OK, peut-être bien, c'est un gros risque à prendre avec lui. Puis en même temps, tu sais, ça ouvre une porte pour Thomas Chabot dans l'alignement. Mais tu sais, c'est pas. C'est quand même l'effet contraire hein, de se produire. Là. Carlson ne joue pas une saison aussi solide que les autres années. Puis Faneuf, ben, c'est des erreurs par-dessus erreurs, comme ça n'a pas de bon sens. C'est pas juste les mises en échec qui sont bonnes. À un moment donné, il faut que tu relances ton attaque et tout. Ce que Faneuf ne fait pas, là. Moi, ça me fait capoter. Ouais. Puis il y a un parallèle qui est quand même intéressant avec le Canadien de Montréal par rapport à ça. Par rapport à la situation de la défensive et des gardiens de but. Guy Boucher en entrevue, puis j'en jasais tantôt là, entre les deux shows avec mon chum Jonathan, il me disait hey, l'an passé, là, Guy Boucher était dans l'entrevue partout dans les médias, tout allait bien, il jasait là, régulièrement avec les médias. Pis cette année, on le voit pas. Ben, l'an passé, ce qu'il mentionnait, c'est, puis il l'a dit tout au long de sa carrière, « Donne-moi un gardien de but qui est à 915, on va faire les séries. » Cette année, il n'y en a pas un qui est capable d'aller chercher ça. Il n'y a aucun des gardiens de but de la formation des Sénateurs qui est sous ce seuil de respectabilité-là. Mais moi, je pense autant, comme le parallèle avec le Canadien, c'est autant Price cette année fait pas les gros arrêts, autant sa défensive ne l'aide pas. Et chez les Sénateurs, c'est un peu ça. Oui, les gardiens de but font pas le travail, mais clairement, il y a un peu de cause à effet, beaucoup même, par rapport à la qualité de défensive qui est devant les gardiens de but. Non, c'est sûr et certain. Tu sais, Guy Boucher, on se le dit, il était critiqué pour son jeu fermé, mais Colin, ça marchait sa stratégie aussi là, l'année passée. T'sais, vraiment défensif au bout, ça donnait pas le style le plus spectaculaire, mais t'sais, ça marchait. Là, t'sais, ça t'a quand même donné la chance d'aller le plus loin que tu pouvais aller, puis même que le monde espérait qu'il allait se rendre. Là. Le monde ne voyait même pas en série l'année passée. Là. Cette année, c'est le contraire, il les voyait en série, mais ça ne sera pas le cas cette année. Là. Mais tu sais, moi, là, puis tu sais, peut-être que je me ferai pas d'amis avec ça, là, mais tu sais, Guy Boucher, c'est sa deuxième équipe qui dirige dans la ligue. Là. Puis se fait deux fois que c'est la même chose. Sa première année, ça va bien. Son club surperforme. Sa deuxième année, ça plante. Si on dirait que ce gars-là, c'est un one-trick pony. Ça marche. Puis là, whoops, toute la deuxième saison, je sais pas ce qui se passe, tout foire. OK, oui, là, il y a eu l'histoire de Dion Faneuf, puis whatever, mais la situation de ce qui s'était passé à Tampa, puis de ce qui se passe là, c'est à peu près du copier-coller, là. Mais les deux saisons qu'il était, en plus, c'est les deux fois qu'il était en finale d'association la première année. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Fait que je me demande, est-ce que Guy Boucher, son système fonctionne un an, puis après ça, ça marche plus? Parce que là, ça fait deux équipes que ça fait exactement la même chose. C'est-tu parce qu'il est trop exigeant avec ses gars? C'est-tu parce qu'à un moment donné, les gars arrêtent de croire au système? C'est sûr qu'on n'est pas dans la chambre, là, mais ça fait deux équipes, deux fois le même résultat. Ben, faut faire attention, là, par exemple. la dernière fois, quand c'était avec la formation des, du Lightning de Tampa Bay, je vais juste sortir les noms, là. Les gardiens de but ne faisaient pas le travail là, là-bas non plus. Les deux fois, il n'y avait pas de goaler dans les nets. Ça t'aide pas, là. Quand il y a eu son passage avec le Lightning, c'était Dwayne Roloson qui était le gardien de but numéro 1. La saison, ça c'est en 2010-2011, je vais sortir là, 2011-2012. Dans les buts, c'était Mathieu Garon et Dwayne Roloson. Les deux, là, pourcentage d'efficacité, 901 puis 886. Et Guy Boucher est supposé être un entraîneur défensif. On voit un parallèle cette année avec la formation des Sénateurs. Les gardiens de but ne font pas le travail. Non. Ouais, c'est exactement ça. Puis en plus, on dit, ben, Anderson aussi, là, on se cache pas. Oui, c'est une raison. Mais l'autre raison, Anderson, t'as toujours été un goaler une saison sur deux. Là, une saison qui peut sortir des grosses saisons qui peut t'amener en série. Mais l'autre bout, là, oublie ça. Là, c'était vraiment ordinaire pour Anderson. Là. Puis c'est encore ça cette année. Même Guy Boucher, c'est la même affaire. Mais tu sais, je mets pas ça sur le dos du coach. Mais c'est ça. Anderson, ça a toujours été une année sur deux. Toujours. Ça a été ça au Colorado. C'est même à Ottawa encore. Cette année, il est à 3,21 de buts alloués par match puis 902 d'efficacité. Tant que carat game, là, ça t'en fait des buts supplémentaires. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est sûr. Puis le but, c'est pas de faire du chauvinisme envers Guy Boucher. Oui, c'est un entraîneur que j'apprécie énormément. Si la carrière d'entraîneur ne fonctionne pas pour lui, j'espère que les médias vont lui offrir des opportunités parce que c'est un gars qui a la verbe facile. Tu sais, ça coule bien. C'est un très, très, très, très bon communicateur. Il amène un discours qui est différent. Ses entrevues, comme je disais, là, entre autres au podcast, on jase de Martin Lemay. C'était des bijoux à chaque fois. C'est un gars qui donne énormément de matériel, qui donne beaucoup de viande alentour de l'os. J'espère que les médias vont le ramasser. Mais on ne pourra pas dire que cet entraîneur-là aura eu toutes les chances en avant de lui. Là. La formation des Sénateurs d'Ottawa, c'est pas un gros club. Là. Il y a quelques éléments très intéressants, mais c'est loin d'être un gros club. Là. Ah non, ça c'est clair, là. Puis, tu sais, si on fait la comparaison avec l'année passée puis cette année, sans avoir eu énormément de changements, les changements qu'il y a eu, c'est pas pour le mieux, là. Tu sais, on a parlé de méthode, c'est sûr qu'on va parler de l'échange de Matt Duchesne, mais mon Dieu, oui, il y a 12 mois qui nous séparent de l'année passée seulement, là, tu sais, quand ils ont eu du succès. Mais écoute, il y a eu des gros morceaux qui ont changé de place, là. Mais Matt Duchesne aussi, moi, d'après moi, le contexte, c'est qu'il a été changé dans le mauvais timing. Parce qu'au début de l'année, il pensait pas aller au camp de l'Avalanche, il voulait l'Avalanche. Changeant en plein match, puis tu sais, cette année, c'est vraiment le mauvais timing parce que Duchesne, c'est pas le Matt Duchesne qu'on a connu il y a plusieurs années. Puis aussi, Matt Duchesne, c'est ça, là, c'est. Partait pour dire de quoi, Corley, qui a complètement oublié. Ah oui, le système de jeu à Guy Boucher, tu sais, faut se l'avouer, c'est que j'aime Guy Boucher, j'ai du respect pour ce qu'il fait, mais Guy Boucher, le système de jeu, c'est pas un style de jeu pour un gars comme Matt Duchesne qui est vraiment pas une puissance offensive, là, ben, il n'est pas d'un pire, mettons. Là. Ben, attends, faut faire attention. Ben, justement, là. Moi, je trouvais que le système de Guy Boucher chutait beaucoup mieux avec Carl Turris qu'avec Matt Duchesne. Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Ben, on va faire attention. Là. Depuis le 1er janvier, Matt Duchesne est à 15 points en 17 games. C'est avant ça, là, le temps de s'ajuster. En entrevue, mentionnait là, que ça allait de mieux en mieux avec la formation, que là, il prenait son rythme de croisière. Tout le système de jeu avait incorporé ça. Là. Fait qu'il y a une Christie différence. Là. La transaction, là, on disait, ah, c'est à l'avantage de la formation des Preds parce que Turris fonctionne bien. Il a commencé très, très fort, mais là, dernièrement, il a ralenti. Et à l'inverse, Matt Duchesne a commencé très, très lentement et en ce moment a accéléré le tempo. Faut dire que Matt Duchesne, il a toujours été très bien vu comme joueur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un joueur de centre que ça fait une si grosse différence que ça, mais c'est un gars qui a toujours eu la perception, les gens ont toujours eu une perception de lui très positive, mais en réalité, dans les trois dernières saisons, il est aussi productif offensivement qu'Alex Galchenyuk, qui est immensément critiqué à Montréal. Puis surtout, moi, c'est le discours que le monde disait « Ottawa, regardez Carl Turris, Ottawa, il serait pas où ils sont. » Ça, c'est un discours que je suis tanné d'entendre. Hein. Parce qu'une fois que la transaction est faite, c'est facile de le dire. Tu sais, Turris et Ottawa, là, ça aurait été probablement la même affaire. Là. Parce qu'Ottawa, ils ont tellement perdu des morceaux plus importants. Puis moi, je te dis, c'est en défensive, là, puis je la répète, puis je suis bien tanné, puis le monde vient de moi avec ça. Mais Marc Metta, c'est le morceau qu'il fallait pas que tu perdes. Et c'est pas mal Faneuf qui a mis des bâtons dans les roues là-dessus, ce dossier-là, là, pour Vegas. Là. Ah oui, ça c'est clair. Là. Parce que le sort de Marc Métot était diamétralement lié à celui de Erik Karlsson. Puis Karlsson, c'est que Métot s'est parti de même, là, ça l'a fait chier royalement. Oui, puis on l'a vu même, tu sais, il y a eu une... Tu sais, Erik Karlsson s'enligne pour sa pire saison des 5-6 dernières. C'est ça qui me fait peur. Puis, si on pourrait bien le perdre, là, c'est... Ah, c'est bon. J'ai hâte de voir. C'est un dossier qui va être sûr jusqu'à la fin, ça, cette affaire-là. Oui. Oh, oui, c'est sûr. Je demandais à Mike Tremblay, quand on a fait le show sur l'Avalanche Colorado, on a parlé en long et en large de cette transaction-là de Duchesne, puis je demandais... Toi, selon toi, est-ce que le règne de Joe Sakic comme DG va être déterminé par le succès ou l'échec de cette transaction-là pour son club? Est-ce que c'est la mesure étalon du règne de Joe Sakic, puis il va mourir ou il va vaincre par cette transaction-là? Vous autres, pensez-vous que Pierre Dorion va garder ou perdre sa job en fonction des succès ou des échecs par rapport à cette transaction-là? Ben, tu vois, ça ne sera pas tout de suite. Moi, ça ne sera pas tout de suite. Il a signé récemment 3 ans. Oui, c'est ça. Fait que là, il va falloir que. Parce qu'à date, là, c'est bien. Il a commencé à. Tu sais, quelques transactions, pas douteuses, là, mais ça a toujours joué contre lui, là, jusqu'à présent. Là, pas tout le temps. Ça n'a pas été positif tout le temps, mais ça n'a pas tout le temps été négatif. Fait que, tu sais, ça a pas mal été 50-50 son bilan à date, je dirais. Toi, Sly? Ben écoute, moi, je suis pas mal d'accord. Il faut donner du temps, c'est sûr et certain. Là, dans une transaction, faut que tu laisses au moins 18 à 24 mois avant d'être capable vraiment d'évaluer ce qui se passe. Puis dans ce cas-là, ça peut même être plus vu qu'il y a eu beaucoup de jeunesse qui a bougé dans cet échange à trois-là. Mais c'est sûr que c'est la fondation de ce que Pierre Dorion va bâtir. Il va vivre ou mourir avec l'échange de Matt Duchesne. Moi, je suis persuadé que c'est pas un bon échange. Ben, moi, justement, je vois ça. Moi, ça a fait un parallèle avec le début de Brian Murray comme DJ. Au début, c'était pas tant fameux. Finalement, il a quand même sorti. Du temps certain comme des jeux. Pierre Dorion, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas fait une si mauvaise job que ça à DAF. Parce que lui, il tombe absolument à Brian Murray. Au moins, Dorion, il va plus en ligne, il va plus s'agir là-dessus. Vraiment, c'est vraiment été la grosse transaction. Il n'a pas fait être bon non plus. Chris, je ne sais pas où est-ce que tu as mis ton téléphone ou ton iPad, mais ça sonne super. Super étouffé. Ah, ça se peut, j'ai mis mon pouce sur le micro aussi, là, c'est de ma faute. Ouais, ça, c'est à ne pas faire. Là, ouais, mais... non, c'est, tu sais, dans les trucs du métier, là, ça, c'est une base. Mais bon, ça explique aux gens pourquoi tu prends pour les sénateurs, tu sais. Ouais. Le niveau d'expertise, il est là. C'est ça, tu sais. À Edmonton, vous avez dit, j'habite là, puis je peux te dire que je serais pas un fan des Oilers comme Sylvain. Ah ben là, mais quoi que, attends un peu là, tu sais, tu te promènes avec ton gilet des Oilers aussi, puis bon, tout là. Bon, je les aime pareil, mais tu sais, c'est pas mon club numéro un, mais c'est un club que j'aime bien pareil. Là. Mais... Oh, ouais. Ouais. C'est comme si les Oilers, c'est comme si c'est ta side chick. Ouais, c'est ça, c'est ma maîtresse. C'est ça. bon, ben écoute, on parlait de Pierre Dorion, il vient de signer un nouveau contrat de 3 ans. Pour vous autres, c'est-tu un bon ou un mauvais DG? Parce que là, vous me disiez 50-50, mais dans ce genre de business-là, j'espère que 50-50, c'est pas la note de passage. Ben, moi, je te dirais, parce que je disais tantôt, avant que je mette mon pouce sur le micro, moi, j'ai dit, Thorion, là, c'est un peu un parallèle avec Brian Murray quand il a commencé. Brian Murray, ça ressemblait quasiment à ça. Sauf ce que je trouve de plus avec Pierre Dorion, c'est que lui, il essaie plus d'acheter vraiment la grosse... Il prend des plus gros risques, mettons, que Brian Murray en prenait avant. Ouais, il est plus gambler. Il joue moins safe. C'est évident que dans tout ce que tu fais comme ça, que ce soit au poker ou dans une job DG, évidemment, plus que tu prends des risques, plus que tu t'exposes à casser la gueule. Mais tu t'exposes à frapper le coup de circuit aussi, par exemple. Oh oui. C'est un petit peu ça, là. Je suis d'accord avec JB, puis c'est dans qu'est-ce que tu disais un petit peu plus tôt, Chris, que je trouve ça plate qu'on en soit rendu à glorifier des gars qu'on dit, ben, il est pas si pire. Toi, si ton boss disait ça de toi, bah, Chris, bah, correct, là, il pourrait être mieux, mais il n'est pas si pire. Je pense que tu n'aurais plus de job. Là, ah, c'est clair, c'est sûr et certain. Fait que c'est un petit peu ça. Je trouve qu'on est un peu permissif avec ces gars-là. Puis c'est sûr et certain, tous les DG font des mauvaises transactions à un moment donné, c'est sûr et certain. Mais pour revenir sur la transaction de Matt Duchesne, je n'ai pas compris le besoin des sénateurs d'aller absolument se chercher Matt Duchesne. J'aurais plus compris le move, par exemple, si ça venait du Canadien. T'sais, le Canadien qui a toujours pas de premier centre, là. T'sais, j'aurais trouvé que c'était un move de graine aussi, mais j'aurais compris la pensée en arrière de ça. Mais... Tandis qu'à Ottawa, tu avais quand même Turris qui était capable de faire ce job-là. Mais Turris pense, tu sais, veux dire, moi, j'étais peut-être mal fait, là. Mais d'après moi, Turris n'était pas un vrai centre numéro un. Tu sais, il faisait un job, mais c'était pas, tu sais, il avait dit Expedia qu'on l'a perdu, il cherchait plus un centre numéro un. Tu sais, Turris était temporaire d'expérience au début, mais finalement, ça a donné qu'il jouait vraiment du hockey assez solide pour, être vraiment le premier centre de l'équipe. Mais moi, d'après moi, la transaction, avec Duchesne, il nous dit que c'est pas par rapport à, vraiment, comme tu disais, les raisons. Moi, d'après moi, la raison, c'est qu'Ottawa voulait acheter plus de punch en attaque puis Duchesne. Lui, il pensait qu'avec ça, il allait être pas mal meilleur avec Duchesne qu'avec Turris. Mais en même temps, là, tu sais, ma Duchesne, tu sais, faut pas regarder sur le court terme, là. Faut regarder sur le long terme, là. C'est un gars qui a un potentiel encore d'acheter des saisons de 70, 75, voire même 80 points, tu sais, Duchesne, on parle, il y en a qui parlent comme s'il serait en fin de carrière, mais tu sais, le gars, il a, 26-27 ans, là, il y a du hockey encore à donner en avant. Oui, mais on dirait que depuis quelques... Ben, OK, oui, ça allait pas bien avec l'Avalanche, ça paraissait qu'il voulait sortir de là, tout, mais tu sais, Matt Duchesne, il y a eu 2-3 grosses saisons dans ses débuts. Puis depuis ce temps-là, on dirait vraiment qu'il y a de quoi qui marche pas dans sa tête. Un peu, tu sais, puis il y a le parallèle que j'ai déjà lu, ce parallèle-là, là, que... Lui et Taylor Hall, c'est un peu la même chose. Ça marche pas nécessairement tout le temps entre les deux oreilles. Puis ça se reflète sur la glace. C'est exactement ça. Puis Taylor Hall, il y avait des rumeurs, mais ben, les rumeurs, c'est des rumeurs, hein, mais qui parlait que Ottawa, il était dans la course pour l'avoir l'année qu'il était changé aux Devils, qu'il allait enfin un gars comme Cody Ceci. Mais tu te ramasses Taylor Hall puis Matt Duchesne dans ton club, là, t'es pas trop mal pris, mais quand même pas de ça, là, c'est juste le problème de comportement, là. Tu sais, Taylor Hall, tu sais, j'avais dit Edmonton, puis le monde était content que Taylor Hall s'en aille, mais pour le prix qu'ils ont payé pour, tu sais, t'es pas trop. Ils sont moins contents. Ah non, c'est ça, là, tu le vois ici, puis le monde, le monde aimait Taylor Hall, finalement. Il l'aurait assez aimé vraiment pour, l'avoir contre un meilleur défenseur, là, il était plus vraiment en amour avec lui, mais d'un autre côté, il savait qu'il allait pas avoir de quoi d'assez intéressant, hein, pour aller chier contre Taylor Hall, puis c'est pas un gars comme Cody Ceci, vraiment, qui a été comblé la défense des Oilers, ça, je peux te le dire. Non, mais cette année, ça donne une idée de la valeur que, si tu veux absolument avoir un défenseur contre Taylor Hall, ça donne la valeur, là. Parce que Larson, Ceci, c'est pas des gros défenseurs. C'est top 3, top 2 dans le meilleur des cas. Ah non, ça c'est clair, mais ça aurait coûté cher, par exemple, avoir ces deux gars-là sur le long terme, ça aurait coûté cher un petit peu. Oui, mais en même temps, tu barres les salaires, là, parce que tu disais cela et que tu sais pas pourquoi que la formation des sénateurs a couru après Duchesne. Il y a une grosse partie de ça qui vient de la situation financière. Matt Duchesne a 2 ans de contrat cette année et l'an prochain, et Turris devait re-signer. Il semble-t-il, selon les rumeurs, que Turris n'était pas pour s'entendre avec la formation des sénateurs. Alors, tant qu'à le perdre, au moins, là, tu donnes une autre année de jeu avec un salaire qui est semblable pour négocier avec le gars puis pouvoir le re-signer à long terme. Moi, je le vois plus dans le domaine du comptable que de la qualité sur la glace intrinsèque des joueurs. Oui, écoute, dans la Ligue nationale de nos jours, on n'a pas le choix de le voir comme ça, là. Et tout arrive avec les chiffres, puis faut que tu deals avec les mauvais contrats, tu sais, puis les sénateurs en ont des mauvais contrats. Là, on a parlé de Dion Phaneuf, mais le beau Bobby aussi, c'est un beau contrat de marde, ça aussi, là. Fait que c'est dans ce cas-là que tu es obligé de prendre des décisions de même, mais tu sais, en juillet 2019, quand Matt Duchesne va devenir UFA, il signera pas à rabais certain, là. Non, ça c'est sûr. Mais ça te donnait une saison de plus avec un joueur. Oui, mais selon moi, Matt Duchesne va te coûter plus cher à sa re-signature que Cal Turris quand il va re-signer. Je sais. Mais Bobby Ryan, t'en parlais de lui, là. Ryan, s'attends-tu qu'avec tous ses doigts, il marcherait pas, là. Imagine avec un doigt tout le temps scrap, là. Ça donne ce que ça a, là. Puis moi non plus, j'ai jamais compris ce move-là, là, de donner 7 millions, là, si ma mémoire fait défaut, là. Ça coûte cher. Si ta mémoire fait défaut? Ouais, c'est ça, si ma mémoire me joue des tours. Non, il est à 7,25, mais Bobby Ryan, c'est parce que, écoute, à l'époque, il surfait encore sur la réputation d'un gars qui est capable d'en marquer 40 dans la Ligue nationale, ce qu'il n'a jamais répété. C'est un contrat qui, oui, est beaucoup trop long, beaucoup trop cher pour ce qu'il donne et qui vient de menotter assez solide. Je reviens à Duchesne. L'explication, pour moi, est financière sur le court terme. Ça ne veut pas dire qu'elle était bonne sur le long terme. Parce que oui, dans les deux cas, ils vont demander des augmentations de salaire. Et oui, bien sûr, Duchesne risque de demander plus cher que Turris. Par contre, Duchesne, l'année prochaine, tu vas pouvoir l'échanger. Je pense que Matt Duchesne ne re-signera pas avec les sénateurs. Et dans à voir comment est-ce que les sénateurs performent cette saison, peut-être que la reconstruction sera envisagée. D'ailleurs, il y a des rumeurs, là, on va en parler, que Derek Brassard serait actuellement sur le marché des transactions. Si tu échanges Brassard, qui a 30 ans, qui est ton centre numéro 1, / deuxième, là, dépendamment des soirs versus Duchesne, je croirais que Matt Duchesne n'est pas intouchable non plus. Mais Matt Duchesne au Colorado, il n'était pas intéressé à être en reconstruction. Là, il s'en va dans une équipe qui s'enligne vers la reconstruction. Ben c'est ça, il ne restera pas. C'est pour ça que moi, je pense que c'était pour aller chercher un actif qui va être rentable, mais via une transaction éventuelle. Ça pourrait être sous le tabac définir la carrière à Pierre Dorion. Si vraiment il s'est comme fourré un peu dans sa transaction, là, si finalement il perd Matt Duchesne et il perd, mettons, sur le marché des agents libres. D'abord, moi, ça va l'hanter pendant un bout. Oui, c'est sûr. Mais je pense pas qu'il va le perdre sur le marché des UFA. Moi, d'après moi, parce que c'est un gars qui est quand même intelligent, d'après moi, il va tâter le marché à partir de cet été pour s'asseoir avec Matt Duchesne, discuter de contrat. Puis, suite à ça, s'il voit que soit que ça va lui coûter trop cher ou que Duchesne n'est pas intéressé, ben c'est sûr et certain qu'il va le magasiner. C'est clair. Moi, je suis convaincu. Et ça démontre aussi, là, tu sais, on en parlait sur le show la semaine passée, moi et Jerry. Si les Rangers peuvent annoncer une reconstruction, n'importe quel club peut le faire. Là. On s'entend que les Rangers, ça fait partie de la Sainte Trinité de la Ligue nationale avec les Maple Leafs et le Canadien de Montréal. Et dans ce trio-là, il y en a deux déjà qui ont annoncé publiquement dernièrement effectuer une reconstruction. Les Maple Leafs, c'est il y a quelques années, il y a 3 ans, et là, c'est le tour des Rangers. J'ai assez hâte que le Canadien, ce soit son tour. Ben, ça veut dire que n'importe quel club peut le faire, et les Sénateurs ne sont pas à l'abri de ça. Le plus gros problème pour les Sénateurs, c'est que c'est un marché qui est pas mal plus précaire sur le plan financier que ces deux autres-là que je viens de dire. J'ai hâte de voir l'Ottawa, tu sais, en petite parenthèse, là, ils parlent, je ne sais pas s'ils vont à la nouvelle aréna. Mais il y a des projets sur les plaines le Breton là, qui seraient beaucoup mieux situés que ce que c'est en ce moment. Je comptais tantôt là, que je vais aller jeudi à la game et c'est clair que on prévoit ne pas arriver très tôt à la maison. Là. Ah non, c'est ça. Il n'y a rien autour de l'aréna. Le monde, ils veulent sortir après game là, et, pour aller, mettons, prendre un verre, ben non, t'allais se divertir. C'est pas à Canada, là, vraiment que c'est la place pour ça. Là. Ah, c'est non, quasiment 20-25 minutes de char. Non, c'est assez tranquille. Puis c'est le trafic pour te rendre. Puis pour revenir, là, sortir de l'aréna, c'est l'enfer. Ouais, c'est ça. Puis là, toi, si tu vas là jeudi soir, on est lundi, ça veut dire que tu fais le montage après le show, puis tu manques 2 jours de job pour partir tout de suite pour te rendre, c'est ça? Exactement, c'est ce que je fais. C'est mon plan. Moi, je suis allé une fois, puis je me suis promis que plus jamais j'y retournerai. C'est un bel aréna, un coup tu te rends. Un coup tu te rends, là, c'est merveilleux, là. Mais te rendre, là, c'est la pire crise de place que ça n'a pas de sens. Faut que tu veilles en crise. J'étais censé d'y aller pendant les fêtes, mais finalement, la personne avec qui j'étais supposé y aller, c'était une maison qui est un gros fan des Bruins, que la game était contre Boston, finalement, là, ça donnait pas. Puis moi, finalement, ça me tentait plus ou moins d'y aller, finalement. Tu sais, moi qui étais un gros fan des Sens, Canada, plus capable d'aller là, je m'en y aller, mais que la nouvelle arena s'est bâtie, puis souhaitons-le. C'est un projet. C'est dans les airs en ce moment. Mais tu sais, si tu veux te bâtir un nouvel aréna, puis que tu parles de peut-être perdre Erik Karlsson et peut-être perdre Matt Duchesne, calvaire, dans un marché précaire comme Ottawa, tu sais, moi je pense que le projet de l'aréna est pas mal lié à ces deux situations-là. Oui. Ouais, parce qu'il faut que tu le payes ton aréna, là. Puis si, tu sais, c'est pas avec une reconstruction, les premières années vont être difficiles. Puis déjà que le monde de Ottawa, justement, ils ont comme connu, tu sais, oups, on se rend en finale, oups, on se rend en demi-finale, puis là, ça plante tout de suite après, tu sais. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Fait que là, le monde, à un moment donné, tu sais, il commence à avoir un beau following. Moi, je me rappelle, là, si on parle d'une douzaine d'années, j'avais un de mes amis qui habitait à Gatineau, puis quand il y avait des games entre soit les Sénateurs et le Canadien ou les Sénateurs et les Leafs, il y avait plus de chandails des Leafs ou du Canadien que des Sénateurs. Ouais, ben il y a des sondages dernièrement là, qui sont sortis. Là. Si on parle de la population d'Ottawa, c'est 67% des gens qui sont des amateurs des Sénateurs. 13% canadiens et 5% pour les Leafs. Si tu parles seulement Gatineau, on parle de les seulement Gatineau. Bon, les chiffres. Seulement les sénateurs, 22%. Les Canadiens, 63%. Donc, chez les francophones, les sénateurs sont largement deuxièmes. Puis ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous autres. Là. T'sais, dans la mise en marché, les sénateurs d'Ottawa, c'est un gros problème. Ils boudent 25% de leur population locale. Ouais. Je savais pas ça, par exemple. Je comprends que Pierre Dorion est un francophone. Je comprends que l'entraîneur-chef est un francophone et qu'il y a quelques joueurs qui sont francophones. Et c'est pas là le nerf de la guerre pour moi. Là. C'est pas la représentativité du français au sein de l'organisation au niveau hockey qui est le problème. Pour moi, le problème, c'est bel et bien par rapport au fait qu'on n'adresse pas la situation des francophones de la région. C'est pas normal que ton annonceur maison dans la Ligue nationale n'accorde pas ses temps de verbe comme du monde. C'est un minimum de respect envers ta clientèle. C'est pas normal, puis ça, tant mieux pour cette radio-là, mais c'est pas normal qu'un club de la Ligue nationale, le contrat de diffusion officiel, soit dans une radio communautaire. Unique FM, tu parles? Unique FM, c'est une radio communautaire. C'est une grosse radio communautaire, mais c'est une radio communautaire pareil. Ça me fait penser aux Islanders de New York que pendant un certain bout de temps, c'était la radio de l'université qui avait le contrat, tu sais. Hey, ça fait proche à fond en tabarnak, là. J'ai rien contre les gens d'Unique FM. Ils font la meilleure job qu'ils peuvent. C'est pas un marché qui est facile, la radio, dans le secteur d'Ottawa-Gatineau, parce que justement, on split la population. Puis il y a beaucoup de gros joueurs quand même qui sont là avec les radios commerciales, tu sais, d'énergie, tout ça, là. C'est pas facile, mais que le contrat soit à une radio communautaire, ça ne fait pas de sens. Donc, il y a clairement un... Faut qu'il adresse la situation. Je suis à Gatineau et je me sens pas comme... je me sens pas attiré vers les sénateurs outre mesure. Je me force à les suivre parce que c'est dans ma ville. Mais il n'y a rien, je ne sens pas l'organisation tenter de venir me chercher en tant que partisan. Et Dieu seul sait comment est-ce que je suis comme une pomme à l'automne. Twist-moi un petit peu, puis c'est sûr que je débarque de la branche, puis tu vas pouvoir me cueillir facile. Je suis un fruit mûr. Venez me cueillir. Et facile. Et facile en plus. Fait que ça, tu sais, les sénateurs, oui, tu sais, en finale de la Coupe Stanley, en demi-finale, en fait, finale de la conférence, soyons clairs, il y avait des bancs vides. Oui, il y a le système Phoenix. Il y avait une grosse partie des gens qui ne pouvaient pas y aller parce que l'argent ne rentrait pas de la part de l'employeur, le plus gros de la région. Mais en dehors de ça, si en plus tu enlèves 25% de la population locale que tu n'essayes pas d'aller chercher, tu ne t'aides pas. Les sénateurs, c'est pas un club riche. Find. Va chercher de l'argent. Non, ben c'est exactement ça. T'sais, c'est pareil comme... T'sais, parce que t'sais, pour les gens qui sont jamais allés dans ce coin-là ou qui sont plus familiers avec le marché de Laval, Ottawa et Gatineau, c'est comme Montréal et Laval. Oui, mais gars, moi, là, où est-ce que je suis? Je suis à 5 minutes d'Ottawa. Je traverse le pont, là, c'est à 5 minutes de chez nous. Je suis sur le bord de la rivière, là. Et au jour le jour, on a l'impression que c'est la même ville, mais quand c'est le temps de faire le marketing pour le club de hockey de la Ligue nationale de la région, on a l'impression qu'on n'existe pas. Juste pour vous donner une idée, les amateurs de sport, qui est le show de Cogeco de sport, est diffusé en soirée à Gatineau, sur les ondes de la radio de Cogeco là-bas. Mais pas les games à la radio parce qu'il y a le blackout à cause de la région de la périphérie. Là. Et pour avoir jasé avec des gens de Cogeco, parce que je connais des gens qui travaillent là, eux autres, c'est une malédiction pour eux autres. Ils perdent de l'argent parce que les gens ne sont pas capables d'écouter la formation du Canadien. Le Canadien, dans les résultats de sport, passe avant les sénateurs dans les bulletins de sport. Mais souvent, le Canadien qui joue à Ottawa, souvent, c'est du monde qui part de Montréal puis qui monte à Ottawa parce que c'est à côté aussi, là, faut quand même. Ben oui, puis je pense que ça te coûte bien moins cher aussi. En plus, c'est ça, là, Sandbell, c'est des prix. J'ai été voir l'autre fois sur les sites de, où c'est qu'ils vendaient les billets des Canadiens, puis ça, c'était ridicule, là, les prix, là. Tandis qu'à Ottawa, c'est genre 20$, 21$, soit sur Vive et Tiff ou des jeudi, sites de la vente comme ça. Jeudi, nous autres, on y va, c'est 25. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est sur quelle plateforme, quel site t'as pris? C'était, je pense, un deal avec l'Université d'Ottawa. Ah, ok, ouais, c'est okay. Ouais, ouais, je connais pas ça. Ma belle-sœur est à l'université, puis des fois, il y a des deals étudiants. Même avec l'Université du Québec en Ottawa, il y a des deals des fois. Là, il y a des soirées avec des prix spéciaux pour les étudiants, puis on a été capable d'avoir des billets comme ça. Là. Mm-hmm. Mais tu sais. Ouais, toi, ouais. T'es pas dans ce coin-là. Fait que t'es sûr que tu deals pas avec les universités pour avoir des billets, mais c'est pas cher. Là. Même de base, je pense qu'autour de 35$, t'as des billets. Là. Ben moi, je sais pas où tu m'en apprends, parce que moi, les World du hockey de l'année nationale, je suis pas habitué à l'envoi. Hein. Que... Bon. Ça a fait un fret. Hein. Oui, non, c'est ça. Comment ça, tu vas pas voir du hockey de la Ligue nationale? Voyons. Ouais, je sais bien, là, mais je suis à côté. Force-toi mais... un peu. En plus, tu sais, en plus, t'as les beaux bleus et oranges à côté de chez vous. Calique. C'est 40 minutes à pied, mais taxi, c'est 5 minutes. Bon. Tu peux aller flatter la statue de Wayne. En plus. Je vais y aller dans pas long. Flatter la statue ou aller voir une game? Les deux. Aller voir la statue puis aller voir la game après. OK, c'est bon. Mais il faut, écoute. Aller voir la statue puis flatter la game. on parlait de rumeurs tantôt là, d'Éric Brassard. Selon Pierre Lebrun, on parle d'un choix de première ronde, un top prospect et en plus un troisième morceau qui n'est pas nécessairement défini. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça fait du sens? Pensez-vous qu'il va y avoir des acheteurs pour un d'Éric Brassard? Ben, est-ce que c'est trop? Je trouve ça beaucoup. Tant mieux si les sénateurs sont capables d'aller chercher tout ça pour Derek Brassard. Mettons que ça te repart bien une reconstruction si c'est ce que tu veux faire. Mais je trouve ça cher à payer quand même. Il manque un petit peu de viande autour de là, c'est un deal comme ça. Là. C'est sûr que tu ne mettras pas juste Derek Brassard. Là. Tu rajoutes des recrues. Ben pas des recrues, ben ouais, tu rajoutes deux autres joueurs, ben non, même des choix repêchage. Parce que juste Derek Brassard, à date, c'est juste son nom qu'on entend là, dans cette deal-là, là, mais ça va prendre plus que ça, là, parce que juste Derek Brassard, là, oublie ça, là, il y aura pas, Pierre Dorion n'aura pas ce qu'il va vouloir avoir. Il va peut-être avoir de quoi en retour, mais ça va être le prix va être plus bas de l'autre côté. Hein. Moi, je suis pas sûr, parce que la position de centre dans la Ligue nationale, c'est tellement une position qui est névralgique. Il y a beaucoup, une grosse part des succès d'un club qui passe par sa ligne de centre. Je me questionne. Autant, pendant longtemps, j'ai pensé que la demande en termes de retour pour acquérir Matt Duchesne était énorme et que Joe Sakic était tombé sur la tête. Là. Autant, il y a eu plus que ce que je pensais. Fait que puis c'est un joueur de centre que je considère qui est bon, mais qui est pas, c'est pas un superstar. Là. Fait que est-ce que Derek Brassard rentre dans cette catégorie-là de bon joueur de centre sans être un superstar? Ben oui. Tu sais? C'est sûr. Mais tu sais, toi, t'écoutes pas quand que Marc Bergevin il parle. Pourtant, il dit que c'est impossible d'aller chercher un centre. Oui, mais je le sais. Tu devrais le savoir. Il faut pas faire des échanges de PlayStation. Puis non, je suis au courant, là. Puis tu sais, si tu veux de la loyauté, achète pas un chien. Ben oui. Puis sa défensive est meilleure. Hey, c'est bon, là, ça, là. C'est surprenant, ben c'est fou. Je pense que Sylvain il disait ça cette année dans les posts sur Facebook. Là, il disait ouais, j'espère qu'il l'a dit, mais je suis surpris qu'il n'ait pas parti avec et qu'il a dit ça. Hey, moi j'ai une question, là. Question qu'on puisse étendre un petit peu la discussion. Là. Enlevez votre partisanerie d'un club ou de l'autre, là. La formation du Canadien et des Sénateurs sont extrêmement proches actuellement au classement. On parle de 4 points de différence et les deux équipes sont dans la cave. Mettons qu'on vous donne le choix. Vous avez, vous êtes un directeur général. On vous donne le choix. Tu prends la formation des Canadiens telle qu'elle est en ce moment ou tu prends la formation des Sénateurs d'Ottawa. Quelle tu prends entre tes... laquelle des deux tu sélectionnes pour pouvoir faire ce que tu veux par la suite? Qu'est-ce qui te donne le plus de munitions pour soit aller chercher du succès, reconstruire, name it, là. Laquelle des deux équipes vous préférez? Vas-y, Sylvain. Ben, ça me fait chier de dire ça, mais bon. Je prendrais le Canadien, tout simplement parce que si tu veux te partir une reconstruction, il me semble que tu as plus de stock à donner, ben à échanger finalement, pas à donner, qui peut avoir un certain retour. Tu sais, Patio Softie, il y a encore un contrat qui a du bon sens, il y a du monde qui vont peut-être vouloir le ramasser. Chez Weber, ce sera la même chose. Si tu vas pour la reconstruction complète, ben le JB va être content. Ah ouais, Carey Price aussi, tandis qu'à Ottawa, un coup que tu as échangé Matt Duchene et Erik Karlsson, t'as plus grand jeu, là. Ben, t'as Brassard, comme on disait, t'as Stone qui est un marqueur de 30 buts, t'as Hoffman qui est quand même un excellent joueur aussi. Ouais. Côté attaque, les Sénateurs d'Ottawa, t'as plus de munitions. En défensive, t'as Carson et t'as le reste de la bunch et Chabot. Et dans les buts, on s'entend là, que tout ça est à crisseau vidange. Ce qui sauve la formation des Sénateurs, je pense, pour moi, là, c'est le stuff dans le junior. T'as Brown, Logan Brown, qui est un jeune joueur de centre de 19 ans. T'as Formanton qui s'en vient. Batterson, qui a excellé au championnat du monde junior dernièrement. T'en as quand même quelques-uns là, qui sont très intéressants et qui s'en viennent tranquillement pas vite pour les Sénateurs d'Ottawa. Il y a de la viande un petit peu partout, mais il y a des gros trous quand même. Chez le Canadien, ce que je dirais, puis qui est probablement le plus gros avantage, c'est que, par rapport aux Sénateurs, on s'entend, là, c'est que les contrats monstrueux à gros salaires sont à des joueurs qui, en ce moment, performent encore à la hauteur de ces salaires-là. Exactement. Tu sais, si tu veux changer Bobby Ryan, va falloir que tu payes pour qu'une équipe absorbe ce contrat-là. Tu sais, un peu ce que les Hawks avaient fait avec les Hurricanes quand ils ont donné Teravainen pour se débarrasser du contrat de Bickle. Ouais. Et ben, tu sais, à part Price, que je pense que le Canadien pourrait pas échanger sans avoir à ramasser une partie du salaire, chez Weber, en ce moment, je crois qu'il y aurait preneur. Sinon, ben, les autres contrats qui sont un peu plus longs, t'as Jeff Petrie, qui peut encore avoir une valeur, et t'as Osner, qui est probablement le seul vrai gros contrat qui est... Écoute, tu peux pas bouger ça, c'est sûr qu'il y a personne qui le ramasserait. Ah non. Fait que, côté, il y a personne qui veut ça. Côté manœuvre, que tu gardes ou que tu tentes de te départir des éléments, je pense que le Canadien est dans une meilleure situation. Par contre, si tu décides de te départir des éléments, la formation des Sénateurs a déjà une avance parce qu'il y a quelques prospects très intéressants chez le Canadien. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, mais il y a une chose que tu as mentionné qui m'a chicoté un peu. Toi, tu penses vraiment que si demain matin, Carey Price devient disponible, tu es obligé de retenir de son salaire? Je pense que oui. Ah, moi, je suis convaincu que non. Moi, je suis convaincu que tu réussis à le passer aisément. Et d'avoir un très bon retour pour. Ah non. Moi, je suis convaincu du contraire. Déjà, je me rappelle plus qui est le journaliste qui mentionnait ça, mais pour les formations de la Ligue nationale, le contrat de Weber est un cap killer qui appelle. Donc, ça vient tuer ton plafond salarial, ça vient tuer ta marge de manœuvre. La formation du Canadien en a un deuxième. Carey Price va être un autre cap killer. parce que ce gardien de but-là, en fait, comme n'importe quel autre gardien, ne jouera pas tous les matchs de la saison. Donc, ta masse est amputée, elle, sur les 82 matchs de la saison, alors que le joueur n'est pas là tout le temps. Et en plus, la position de gardien de but est probablement celle où est-ce qu'il y a le plus de joueurs qui sont en mesure de venir faire un boulot, je dirais pas étoile, mais de grand niveau pendant certains laps de temps. Il y a des gardiens qui pop partout, tout le temps. Mais Carey Price, là, c'est en 10 millions pour tout. Ils ont pas besoin d'attendre un petit peu plus longtemps avant de le signer. By the way, là, il aurait bien été bon pour le signer pareil, là, d'une manière ou d'une autre. Oh, il fallait vraiment qu'il signe. Aussi qu'ils l'ont, le moment qu'ils l'ont signé, c'était si bon que ça, c'est si pressant que ça, le garder de même. Je comprends pas ce bleu d'avoir signé si cher pour si longtemps. Oui, ben, le Canadien, ça fait deux fois que Marc Bergevin fait ça. Il le fait avec Plekanec et dès l'année de sa signature, qui était avant même. Qui était un an avant que son contrat se termine, il a commencé à régresser en termes de performance et c'était même pas commencé. Et là, ben, Carey Price, même affaire. Ça fait deux fois que le Canadien se fait pogner en faisant ça. Mais par contre, si Marc Bergevin n'avait pas signé Carey Price l'année passée, à voir ce qui se passe cette année, est-ce que Carey Price aurait re-signé? Pense pas, moi. Avec le traitement qu'il reçoit des fans, des fois, il l'aime. Des fois, les fans peuvent l'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup, autant qu'ils peuvent le détester beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, mais en fait, le problème à Montréal, puis ça fait longtemps que je le dis, quand un Canadien perd, c'est de la faute à Carey Price. Quand Carey goal sur la tête puis qu'il fait gagner le club, le coach est un génie. Ou le club n'est pas aussi mauvais qu'il est supposé. Mais je reviens à ce que tu viens de lancer, là, Sylvain. J'avais Jerry dans la tête. Arrête de penser à moi, Jerry. Fait que là... mais... Price, là... Tu sais, je veux bien qu'il a regardé la formation l'an passé, les performances étaient intéressantes, il décide de revenir. Mais il sait, là, j'espère en tout cas qu'il sait, que le Canadien va aussi bien que lui y va. J'espère que si nous autres, on n'est pas tombés dans le panneau, que le club est fucking ordinaire puis que Price les sauve, que le principal intéressé est au courant. J'espère qu'il est au courant. Mais il est au courant certain, c'est pour ça qu'il a demandé ce salaire-là, justement. Oui, mais... Il sait son pouvoir de négociation, c'est ça. Je le sais, Slack. Quand Carey va, le Canadien va. Laisse-moi poursuivre. Il y a une suite à ça, là. Si le club est pour mal aller, parce que lui, ça va pas bien, il sait aussi que les partisans vont être contre lui parce que c'est le dernier qui fait l'erreur puis c'est facile de blâmer le gardien de but. Alors que c'est le club en avant qui a fait toutes les erreurs avant que ça se rende jusqu'à lui. Il sait ça aussi. Il sait que les partisans peuvent être des mardes. Il l'a déjà vécu. Il l'a vu avec des coéquipiers qu'une journée étaient des héros, le lendemain étaient des zéros. Et que la foule le fait sentir pas à peu près. Il sait tout ça. Je pense que Carey Price sait pertinemment dans quel... Ben, il se trouve avec tout ça, là, avec tous ces paramètres-là. Et malgré ça, malgré tous ces paramètres-là qui pouvaient y chier dessus, un après l'autre et de manière combinée, il a quand même décidé de se faire signer top prix. Ça, c'est à son avantage, mais pendant 8 ans dans cet enfer potentiel-là. Il s'est menotté dans une situation qui pouvait y chier dans les mains. Pourquoi pas tenter d'aller ailleurs? Je vois pas le positif de rester à Montréal pour Carey Price. Il n'y a pas d'avantage. Mais tu sais, il a signé avant que ça chie avec Radulov. Oui, mais même avec ça, je t'ai dit, c'est qu'il le sait, là, il en a vécu. Mais attends une minute, c'est parce que rappelle-toi, quand puis je sais pas pourquoi on parle encore de l'Institut canadien pendant un show sur les sénateurs, mais bon. Quand Marc Bergevin a été chercher Jonathan Drouin, OK? Moi, le premier, j'ai fait comme, OK, moi, là, tu re-signes Radulov, t'es un top 6, là. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est un écran de fumée pour signer Price. C'est ça que tu étais en train de me dire, là. Je dis pas que c'est un écran de fumée pour signer Price, mais... Probablement que Carey devait se dire que c'était fait. Probablement qu'il s'est fait dire que c'est comme si c'est fait, c'est juste de la négociation. c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Mais écoute, ça reste que je pense qu'il, tu sais, il se plaît quand même à Montréal. Puis justement, tu sais, Carrie, il sait là que si jamais il décide qu'il veut sortir du site là, ben il y a 25 clubs qui vont le vouloir. Mais pas à 10 millions, me semble. 10 millions, me semble, je sais pas. Écoute, moi, demain matin, si ton but, c'est d'aller gagner une Coupe Stanley, puis que t'as le club pour y arriver dans les 3-4 prochaines années, go, vas-y. Vas-y. Moi, je suis pas d'accord avec ton 25, là. Je suis vraiment pas d'accord avec ton 25 clubs qui seraient intéressés à aller chercher. Un club comme l'Arizona pourrait se payer un gars comme Carey Price par rapport, ben, c'est à cause que le cap il est tellement beau, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Tout, même avec un cap salarial assez beau. Là. Mettons, là. Mais tu sais, les équipes qui ont des chances de gagner la Coupe Stanley, c'est parce que la fois, ils ont tous des goalers numéro 1. Eh oui, c'est ça. OK. Vasilevski, Hellebuyck, Riné, Oldby, Lundqvist, Bobrovsky, Rask, Dominic, Quick, Gibson, Murray, Talbot, je te nomme des Fleury, Martin Jones. Je t'en ai nommé quelques-uns là, qui sont en avant de lui en termes de stats cette année et que ces formations-là, pour la minime différence de stats ou de gains en termes de performance que Price pourrait amener, ne ferait pas la transaction, surtout qu'il devrait payer un supplément pour pouvoir acquérir Price. T'as oublié Carter Hutton? Ouais, mais tu sais, ouais, il est en avant en termes de stats, mais il a 38 ans. Là, t'sais, il est pas 38, là, mais il est dans la trentaine, puis il a ses premières vraies performances de qualité dans la Ligue nationale de manière soutenue. Là. Fait que je l'ai pas mis dans l'équation, mais tout ça pour dire que pour moi, il n'y a même pas 50% des clubs dans la Ligue nationale qui auraient de l'intérêt pour Price dans cette situation-là. Et l'autre portion, comme on disait, des fois, c'est en raison du cap salarial. Tu ne serais pas capable de gober le salaire. Ce serait en termes de, ben là, ce qu'il faut que tu payes comme complément, ça ressemble à quoi? Faut-tu que tu te départisses de top jeune, puis finalement, tu lui mets à ton club. Tu sais, moi, je pense que dans la Ligue nationale, en ce moment, s'il y a 5 clubs qui seraient intéressés à se déshabiller pour Price, c'est bon. Et dans cette... si tu établis ce constat-là, qu'il y a seulement 5 clubs, Price n'a pas le pouvoir de négociation pour aller chercher le 10.5. Ben, c'est là que peut-être que tu n'as pas compris ce que moi j'ai dit. J'ai dit la journée que Carey décide qu'il sort, genre à la Patrick Roy. Moi, je joue plus ici. Ouais, ben là, on s'entend une situation où est-ce que. Fuck out. Oui, oui, oui, ben c'est ça. Là. Mais c'est ce que j'ai dit, moi. Oui, mais là, moi, tu me parles d'un scénario d'apocalyptique. Ça se peut, là. Mais pas sûr que c'est ça qui va arriver, là. Mais oui, OK, dans ce cas-là, oui, il y a 25 clubs qui seraient down pour aller le chercher. Ben, moi, c'est ce que je disais, que Carey a signé ici en toute bonne foi, en se disant, dans le fond de lui-même, ben, gars, si ça marche pas, de la merde, je vais demander à être échangé. Je demeure convaincu pareil, là, mais bref, on s'entendra jamais là-dessus. Là. J'haïs le Canadien de Montréal, mais j'adore Carey Price. Bon. Puis anyway, on s'en calisse, c'est un show sur les sénateurs. C'est un show sur les sénateurs. Ah, bon. Merci, Joey. Chris, là, oui. T'es l'invité sur le show. Tu me dis que tu avais préparé une couple de sujets. Est-ce qu'on a tout couvert ou il y avait d'autres choses? Ben, moi, il y avait un sujet, ben, tu sais, on parlait de l'avenir d'Ottawa, tout, là. Oui. Moi, je vous dis, là, on en parlait un petit peu au début, mais moi, je vous dis que Thomas Chabot, ça va être pas un superstar, mais Thomas Chabot, ça va être quelque chose. Parce que, honnêtement, là, le hockey qu'il y a, puis que les sénateurs, c'est ça, ils ont plus sa chance qu'au début de l'année. Moi, d'après moi, Chabot, là, ils sont pas trop mal prêts avec lui. Là. Tu sais, je te dis qu'il ne faudra pas qu'il parte Carson. Là, parce que là, tu sais, que Chabot, ce ne sera pas le défenseur pour le remplacer Carson. Là, mais Chabot, je peux te garantir de quoi ça va être quelque chose. Ouais, il y a 3 passes à ses 3 derniers matchs. By the way. Il produit pas mal. Ils font confiance énormément. Là. Mm-hmm. Tu joues avec Eric Carson, puis Carson, c'est lui qui a demandé à jouer avec Chabot. Puis Carson, il avait, au début de l'année, il avait dit que Thomas Chabot, il est en avance sur lui à 18 ans. Moi, honnêtement, à date, là, Carson, c'est pas trop fourré dans ce qu'il a dit. Oui, mais ça veut pas dire que le plafond de performance est aussi haut. Là. Ça serait très sûr. Surprenant. Mais c'est sûr. J'en ai nommé là, quelques-uns là, des prospects. Là tu as parlé de Chabot. Toi, lequel que tu as le plus hâte de voir avec la formation des Sénateurs? Moi, c'est honnêtement, Logan Brown, c'est pas mal le joueur à surveiller, le gros gabarit. Puis, tu sais, c'est pour commencer, ça peut être un troisième centre. Mm-hmm. Puis, Ottawa, éventuellement, ils pourraient se préparer potentiellement à perdre un ou deux gros joueurs de centre. Tu sais, Logan Brown, là, ça va être un. Comme j'ai dit, la courue qu'il y a tout, c'est le prototype parfait pour un défenseur, un centre numéro 3, d'après moi. Ouais, c'est pas un choix de première ronde pour un troisième centre. OK, là, c'est correct, mais c'est pas optimal. Mais oui, s'il peut faire la job, c'est vrai que le 16 pour. Mais tu sais, va-t-il plus tenir du McCarron, on revient chez le Canadien, ou encore du Getzlaff? Tu sais, il y a quand même. Tu sais, dans les comparables physiques, là. Ah oui, c'est clair. Il y a un gros jeu, là. Il y a un gap entre les deux. Sinon, on a eu quelques questions de nos auditeurs. Il y a Eduardo Ponce qui nous demandait, en fait, est-ce que Condon, c'est le gardien du futur pour la formation des Sénateurs? Puis ça va nous permettre peut-être d'approfondir ce sujet-là. Toi, lequel des deux tu conserves? Tu gardes-tu les deux? Penses-tu qu'il y en a un qui peut rebondir? Et sinon, c'est quoi le. Qu'est-ce que les Sénateurs peuvent faire pour régler le problème dans les nets? Chris Lefeu de Derek, là, mon assurance. honnêtement, c'est. Moi, je te dirais vraiment, le monde, ils disent que c'est pas le futur à Ottawa, tu sais, mettons. Là. Mais le problème, c'est que l'équipe joue mal en général. Fait que le joueur, en partant, tu peux pas savoir si c'est vraiment le gardien d'avenir. Si Mike Condon de l'année passée peut sortir il peut redevenir ce qu'il était l'année passée, moi, je pense que ça peut être un bon gardien numéro un. Le futur gardien de l'équipe, mais pas à long terme, par exemple. Condon, moi, je te dis, c'est un bon gardien numéro 2. Comme gardien numéro 1, j'aurais des doutes. Parce qu'on dirait que c'est plus qu'il joue de match. Puis on dirait que c'est plus qu'il régresse, on dirait. Je suis totalement d'accord avec ton évaluation. Mike Condon, c'est un bon gardien numéro 2 qui peut te démarrer si ton gardien numéro 1 est blessé 3 semaines, 1 mois. Là. Il va tenir le fort. Un peu comme qu'il avait fait quand Carey Price avait été blessé, justement. Le premier mois, ça avait super bien été. Après ça, ça pique du nez. C'est pas un gars qui est capable de te gauler 50-55 games par année. Dans le meilleur des scénarios, c'est un très bon gardien numéro 2, mais c'est pas le numéro 1. Il est en goal 15 solide. That's it. Mais honnêtement, c'est en plus, moi, je me suis fait avoir aussi comme l'année recrue qui a gaulé, c'était avec le Canadien. On reparle encore du Canadien, mais c'est pas grave. T'sais, il avait sorti des grosses performances en début d'année, puis le monde, tout de suite, s'en partait déjà. L'année passée, ça a été ça et tout. Là. Il a sorti des grosses performances, surtout sa première game, c'était contre Vancouver, un jeu blanc en partant. Déjà là, en partant, on a dit « Charlie, quand on a trouvé notre gardien numéro 2, puis même, il va faire la job avec Anderson, va se blesser ou quoi que ce soit. » Parce qu'il est arrivé dans le temps qu'Anderson trouvait de se retirer pour au chevet de sa femme. Mais c'était l'enfer, mais qui sauvait des games, puis il gaulait, là, c'était incroyable. Là. Puis on s'était emporté déjà là, tout de suite, comme c'était arrivé le cas à Montréal. Et on a ça, ce défaut-là, un peu de trop s'emporter vite, mais on check pas le après. Mm-hmm. Et il y a Pierre-Olivier Doucet qui demande comment ça se fait qu'un club qui fait la finale de l'Est se retrouve dans la cave comme ça. On a parlé de plus spécifiquement gardien de but, défenseur, coach, un peu de l'attaque. Si tu avais à mettre un pourcentage sur la raison, là. Mettons le coach est 25%, la défense est un autre 20%, ça serait quoi là, ton montage des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas pour les Sénateurs cette année? Mais honnêtement, c'est d'être passé si proche d'aller en finale de la Coupe Stanley. Le plus proche, tu ne pouvais pas aller. Là, deuxième prolongation, tu étais à un but de la grosse finale. Puis ajoute ça vraiment, comme j'ai dit, là, les éléments qui ont perdu, celle-là de Mark Method. Tu fais un melting pot de tout ça, là. Déjà, ta confiance était potentiellement brisée avec Mark Method après cette défaite-là. Moi, je te dis, en plus, enlève Mark Method, là, c'est ça, ça a comme shaké la défensive aussi. Gros, moi, d'après moi, c'est vraiment c'est le manque de confiance quand on n'a pas retrouvé. On dirait que ça a tellement shaké cette défaite-là qu'on dirait que ça s'est propagé jusqu'à la saison qu'ils ont eu cette année. Là. Ben, tu sais, moi, je vois beaucoup de similitudes parce que nos deux équipes sont dans une situation exactement pareille. Les Oilers se sont inclinés aussi en finale de conférence. Sur un beau but de Kessler qui était pas bon. Ouais, mais Asti, start-moi pas, Calvert. Bref, tout ça pour dire que l'année passée, les Sénateurs se sont rendus où est-ce qu'ils étaient parce que, tu sais, on en a parlé, c'était émotif. Anderson a gaulé sa tête. Les Oilers se sont rendus où est-ce qu'ils sont rendus parce que Talbot a gaulé sa tête l'année passée. Dans la Ligue nationale, tu vas aussi loin que ton gardien va t'apporter. Mais c'est l'enfer, la Ligue nationale. Là, les comment, là, que des fois, ça peut tenir à un fil. Là. Tu sais, tellement tu peux être si proche et qu'après ça, ça prend juste un petit déclic et que ça fasse ça déboule. Mais Ottawa, il faut se le dire et tout, l'année passée, il y a un final de l'Est, là, deuxième prolongation. Comme je disais en début de show, là, il n'y a même pas personne qui les voyait en série l'année passée. Là. Fait que déjà, se rendre en série, c'était un exploit, mais se rendre en finale de l'Est, aussi loin dans cette match, là, c'était un surréalisme. Là. Mm-hmm. Et là, on a une question d'un auditeur anonyme là, qui demande le hamburger qui goal sa tête ou une chance à la loterie pour McDavid? Hé, hey, tabarouette, ça, là. Moi, c'est l'équipe qui a essayé à monter, puis tout, j'ai fait de caler que ça vaudrait vraiment la peine de vraiment tinker le plus possible, ben, tu sais, en montant, là, pour aller faire les séries. Mais en même temps, là. Ça fait 3 ans que je te niaise avec ça. Je fais pas l'échappée aujourd'hui quand tu fais non, ça chaud, c'est là. Clair. Je trouvais que c'était long avant que t'en parles, justement. C'était comme, c'est sûr qu'il va y remettre ça dans la face. Non, fallait que je close avec ça, voyons. Ah, moi, c'est, je travaillais, puis je shakais là, des mains, j'étais stressé. J'ai dit, ah, c'est sûr qu'ils vont poser cette question-là, ça m'angoisse, ça me glace le sang. tu le vis bien pareil, hein, finalement. Ah, oui, oui, oui. Ben, on était bon au Rasmus Dahlin, on était bon au premier tour. Ah, peut-être. Mais c'est ça le deal qu'ils ont fait Ottawa et Colorado cette année avec Duchesne? Moi, j'ai su ça cette année. Ben, je ne sais pas si c'est ça, mais ça, j'ai entendu ça au travers des branches. Il y en a 2-3 qui disaient ça. Ottawa, qui a été chez Matt Duchesne, ils offraient leur premier choix. Mais le deal, c'est que si Ottawa il finissait dans le top 10 au prochain repêchage, ils gardaient ce premier choix-là. Oui, c'est bel et bien ça. C'est un conditionnel selon si les Sénateurs. Ouais, c'est ça. Selon Cap Geek, là, ça dit if the 2018 first pick is a top 10 pick, Ottawa will retain the pick and Colorado will receive l'équivalent en 2019. Ouais, c'est ça. C'est direct ça. C'est ça que mon chum, je déboîne. Un de mes bons chums, il me disait ça. Il dit Ottawa, s'il y a leur premier choix cette année, c'est le choix de 2019 qui parle. Oui, ben si c'est ça, ben là, ils vont drafter dans le top 10, là. Fait que ils ont. Oh, c'est là. Sûr, fait que ben, tu sais, il veut dire, tu sais, même si on souhaite qu'ils perdent puis qu'ils perdent, tu sais, mon club, là, quand ils scorent un but, je suis content pareil, tu sais, c'est comme on dirait que c'était un réflexe pareil, on dirait veut pas. Ouais. Tu sais, en fond, là, ils perdent, puis c'est une maudite bonne affaire. Là. À Montréal, on le combattait bien, là. Moi, perso, je le combattais bien. L'expérience, des fois, ça peut faire bien des affaires. Mais ouais, c'est ça. Fallait que je termine avec cette petite question chienne-là. Ça me fait penser, là, tu parlais là, de la clause pour le premier choix, là, la clause pour les Sénateurs, là, pour le conserver. C'est la formation des Devils. Là. Il y a une année, ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Et au lieu de laisser partir ce pic-là, ils l'ont gardé. T'sais. C'est quoi les chances que tu aies un pic moins bon l'année d'après? Là? Ouais, c'est sûr. C'est complètement idiot, là. Oh mon Dieu! Ils sont pas tous bright, hein, les DG. On l'a déjà dit. Le repêchage, là, c'est tellement. Là, c'est dur à prévoir. T'sais, c'est dur après 5 ans de dire Carly qui a rendu repêcher tel joueur, mais Carly qui a le repêcheur, c'est jamais facile à garantir vraiment qui va être excellent, qui va être. Tu sais, Alexandre Deck, très bon exemple. Ouais, mais Alexandre Deck, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça s'explique assez facilement, là. Alexandre Daigle, toutes ses passantes, ses deux oreilles. Là. Tout était trop jeune pour t'en rappeler, là, mais Alexandre Daigle, moi, je l'ai vu jouer junior. Là, puis Cibar, écoute, tu sais, tout le monde en... C'est à cette époque-là, là, à fin des années 80, début des années 90, c'était le meilleur joueur d'âge junior depuis Mario Lemieux. Ah oui, c'est ça. Je crois que mon chum Alex Boré-Boulay, ça va connaître une meilleure carrière qu'Alexandre Degg. On lui souhaite, là. Mais Alexandre Degg, au-delà de ce qui se passe entre les deux oreilles, c'est que pendant toute sa vie, il a toujours été le joueur le plus rapide de tout le monde qu'il a affronté. T'sais. Et quand il est arrivé dans la Ligue nationale, puis tout le monde allait à la même vitesse que lui, ou pas très loin, il n'y avait plus de marge de manœuvre pour faire ses jeux. Fait que ça marchait plus, là. Ah oui. C'était sa qualité. Il était tellement au-delà de tout le monde que ça lui permettait de compenser pour tout le reste. Mais quand il l'a pu, ben, tu vois que le reste n'était pas aussi fort que supposé. Mais il n'y a pas eu des si mauvaises stats que ça, pareil, en carrière, mais c'était pas les stats qui étaient prévus avant qu'il commence dans le national. Ça peut être un méchant joueur, mais c'est juste que la pression, il y a zéro décalage. Non, il y a eu des saisons de 30 buts quand même. Là, ben oui, c'est ça. Là, il y avait beaucoup de clubs. Ouais. Sa première année avec les Sénateurs, 51 points, tu sais. Moins 45, mais c'était un esti club de marde de vidange à ce moment-là. Écoute, c'était terrible. Hey, t'as-tu vu ça, le documentaire qu'ils ont fait à RDS, les Sénateurs, quand même? C'était excellent. Hey, je t'ai dit, là, cette année, là, on peut se consoler, là, c'est rien comparé à ce qu'ils ont vécu au début. Là. Hey, les joueurs n'étaient même pas payés des fois. Là. C'était, en 2003, c'est arrivé, là, l'équipe des joueurs n'étaient même pas payés. C'est arrivé qu'ils n'ont même pas été payés, maman. Parce qu'il y avait de la misère. Ouais, ben, tu sais, on rit de la KHL, mais c'est pas toute clean dans la Ligue nationale non plus, des fois. Là. Si, quoi. J'aimerais ça voir ce qui se passe des fois. Ça prendrait des GoPro pour voir ce qui se passe des fois dans les bureaux. Ouais. Sur ce, c'est ce qui fait le tour. Écoute, on a passé à travers. Chris, t'étais assez bon pour te faire un. On t'en remercie. Ben, merci beaucoup. Merci, Sylvain, aussi, d'être venu me supporter dans cette lourde tâche que de recevoir le pèlerin avec nous. Ouais, hein, écoute, fallait bien, là. Je pouvais pas te laisser tout seul avec. Je le sais. À quand le prochain pèlerinage aux Hooters, mon chum? Ça sera pas en fin de semaine parce que ça va être un voyage à Calgary, probablement. Peut-être avec Anna Berto pour m'en profiter. Hein? Ben oui, tant qu'être là. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup, Sylvain. Pour les gens qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible sur notre page Facebook, l'APOC Podcast, et aussi sur notre Twitter, @l'APOC Podcast. Là-dessus, là, c'est pas mal moi qui génère tous les messages par le compte officiel de l'APOC. Et dans les commentaires, là, si vous voyez un petit JB, c'est moi qui ai fait le commentaire. Sinon, personnellement, vous pouvez me suivre sur ma page, ma page à moi, mon profil personnel. Je vais gagner et sur Twitter @gangj_b pour plein de jasage sur le hockey. Voilà qui fait le tour pour l'émission de cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un show dédié aux Canadiens de Montréal. Et là, ben, on va être très, très proche de la date limite des transactions. Donc, on va parler en long et en large des différentes rumeurs dans la Ligue. À la prochaine tout le monde. Bye bye. Salut. Là. Ciao. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles. We'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days we